exploit l'honneur du diadème. Seigneur, à mes désirs, le ciel a répondu. Saül vous cède enfin l'autorité suprême. Trompettes et tambours annoncent sa victoire.